un peu les filles. Allez, ouais. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG, donc de 22h jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, nous allons parler de Johnny, ses prix et les récompenses de 1987 jusqu'à 2005. On remonte donc la grande histoire de cet artiste qui a traversé 6 décennies de musique et qui a laissé derrière lui un véritable mur de trophées. Donc on parle bien de Johnny Hallyday, car Johnny, on le sait, c'est un phénomène, mais c'est aussi un artiste récompensé, célébré, honoré, décoré par ses pairs, par le public et par les institutions. Un palmarès impressionnant que voici. Tout commence aux Victoires de la Musique. Créée en 1985, la grande cérémonie française, Johnny en a remporté 10 exactement. La première est en 1987, lors de la 3e édition des Victoires de la Musique. Johnny reçoit son premier prix, artiste-interprète masculin de l'année, une reconnaissance qui fera date après 30 ans de carrière. Johnny prouve qu'il est toujours devant. Johnny Hallyday en 1987. Voici maintenant l'instant final, c'est-à-dire la toute dernière victoire, la victoire des victoires, donc pour le meilleur interprète masculin de l'année 87 et pour servir cette victoire des hôtes de poids. Eh bien, c'est vraiment dommage que, je ne crois pas que ce soit prévu, mais c'est dommage qu'ils ne puissent pas le chanter, le résultat, parce que c'est Jean-Michel Jarre et Jesse Norman. Le recordman des victoires et la marraine des victoires 87. Bonsoir. Je dois dire que je suis extrêmement heureux de présenter ce prix aux côtés de ma chanteuse favorite. Et d'ailleurs, je me fais un petit peu l'effet du facteur de Diva dans le film de Jean-Jacques Benex avec mon enveloppe à la main. Enfin, ça ne m'empêche pas de toute façon que nous allons présenter maintenant le prix pour l'artiste-interprète masculin. Mmh. Alors pour l'artiste-interprète masculin de l'année 87, sont nommés Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday et Michel Sardou. Jessie, je vous laisse. Oh, je peux. Oh là là là là là là là là. Ah, que c'est extraordinaire. Johnny Hallyday. Par là. C'est pour vous. Voilà, monsieur. C'est lourd. Oui. Oh, mais oui, c'est quand c'est lourd. Et toi, bravo. Eh bien, je suis très ému. C'est bien la première fois que j'ai un prix. J'ai toujours distribué des prix à plein d'artistes, à plein de gens. Et je m'aperçois ce soir que c'est quand même beaucoup plus agréable d'en recevoir que d'en donner. Merci. suis pas. Il y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Mais Laura, j'aurais tant à apprendre de toi. Tous ces mots tendres qu'on sait, moi je ne les sais pas. Parce que bon, c'est pas facile de recevoir quelque chose, surtout venant de tout le métier. Je vous remercie. Et puis j'aimerais aussi dire que c'est grâce à mon public que je suis là. Merci. Johnny, Hallyday en 1987. Puis viennent les années des grands shows, des tournées gigantesques, des salles pleines à craquer. En 1991, 1994, 1996, 2001, 2009, 2010, ce sont ces concerts qui sont récompensés. Bercy, le Parc des Princes, la Tour Eiffel, le Tour 66. À chaque fois, c'est le même message. On ne faisait pas un spectacle comme Johnny, personne. En 1991, Johnny fait exploser Bercy, un show incandescent dans la chaire de Bercy qui repart avec la victoire du meilleur spectacle musical. Johnny reprend sur le plateau un des titres phares de son spectacle, Diego, libre dans sa tête. Les trois nommés ce soir pour la victoire du spectacle musical sont Patrick Bruel, Julien Clerc au Zénith, production Sidonie, Patrick Bruel au Zénith également. Et Johnny Hallyday à Bercy, production Camille Coulier. Pour remettre cette victoire sur la grande scène du Zénith, Julia Miguenès. And the winner is Johnny Hallyday. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire que ça fait quand même très plaisir d'avoir un prix pour un spectacle. J'aimerais vous dire que ce spectacle, j'aimerais vous présenter quelqu'un avec qui j'aimerais partager ce trophée. Quelqu'un qui a énormément travaillé sur mon spectacle avec moi. Pour Bercy, Monsieur Jean-Claude Camus. Ouais ! Et puis merci à vous tous. Thank you. meilleur spectacle de l'année, Johnny Hallyday. Et à ma table, j'ai l'impression qu'ils sont heureux. Hein. Ils se lèvent. Ils en profitent. Et oui, Robin, oui, oui, oui. Pagette. Et dans ses victoires de la musique 1991, Yves Montand remet la victoire de la musique à Johnny, hein, du record d'entrée pour un spectacle. Bien. Non, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui parlait un petit peu avant, mais je ne crois pas. Bon. Écoute, Johnny, voilà. Je crois que tout ce qu'on peut dire dans ces cas-là, c'est-à-dire... Pour celui qui a battu les records d'entrée de l'année 90, c'est toi. Donc je crois que tous les superlatifs que l'on peut dire dans ces cas-là ne servent à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Et les faits, je le répète, tu as pulvérisé les records d'entrée. Alors tout le reste est littérature. Bravo, Johnny. Voilà. Merci. Ça m'honore de recevoir ce prix par ce que vous considérez un des plus grands chanteurs et comédiens que nous aurions eu en France. Et j'aimerais aussi souligner que il n'y a pas que moi qui ai fait beaucoup de monde en 90. Et je trouve injuste qu'on n'ait pas nommé mon ami Patrick Bruel. Merci. Le 8 février 1993, sur Antenne 2, Johnny Hallyday reçoit une victoire de musique pour la deuxième fois, récompensant l'artiste ayant réuni le plus grand nombre de spectateurs en concert, notamment pour son spectacle délivré à Bercy en 1992. Spectateur lors de sa tournée française, qui est exceptionnellement téléspectateur ce soir. Bonsoir Johnny. Johnny Hallyday. Bonsoir Johnny. On t'aime Johnny. 416 273 spectateurs pour une seule tournée. Johnny Hallyday, le champion en nombre de spectateurs, représenté ce soir... Par Jean-Claude Camus, son producteur. Heureux d'ailleurs, parce que c'est lui qui a fait payer. Le même nombre de spectateurs, on va voir ça dans un instant. Le producteur de Johnny pour cette victoire. Monsieur Camus. Johnny est loin de France aujourd'hui, fidèle à son amitié, fidèle à notre complicité. Il m'a demandé bien sûr de venir chercher ce prix. En tout cas, c'est une belle victoire puisqu'elle est décernée par le public. Public qu'il n'a jamais trompé ni déçu depuis 30 ans. Merci pour lui. Merci Jean-Claude Camus, merci à Johnny Hallyday, effectivement. Il ne peut pas nous suivre sur France 2 ce soir, heureusement que nous sommes relayés par TV5. C'est ça qui est bien. Johnny d'ailleurs qui va fêter au Parc des Princes ses 50 ans. Ça va être une belle fête ça. Je le dis, oui, avec RTL. Alors, une autre victoire évidente. Je peux rien dire là. Hein. Non, seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter. Là, une autre route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve là. Ouh, soudainement je suis tombé. Et comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Tu ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement t'aimer très fort. Oh, tu es né pour être à moi. Oh, et j'espère que tu y crois, nous serons ensemble chaque jour. Dans ma vie. J'aimais partir, j'aimais courir, et quand tu viens, je veux rester là. je suis sincère, je vais mourir si tu ne veux pas, pas tout ça. Tu es né pour être à moi, et j'espère que tu y crois, nous serons ensemble chaque jour. Johnny à Bercy en 1992. Merci. Johnny Hallyday est à l'honneur lors des 9e victoires de la musique diffusées sur France 2 le 4 février 1994. Un moment fort de sa carrière où l'icône du rock français reçoit la reconnaissance de ses pairs et du public, où il reçoit le prix du concert de l'année, le Parc des Princes 93, l'un de ses shows les plus mythiques. Puisque tous les artistes vont se produire live avec des vrais musiciens que vous pouvez déjà applaudir d'ailleurs, s'il vous plaît, l'orchestre Jean-Claude Petit. Ils vont nous accompagner tout au long de cette soirée. Donc, première citation, s'il vous plaît, pour son concert à l'Olympia, monsieur Julien Clerc. Concert au Parc des Princes, Johnny Hallyday. Et concert à l'Olympia de Solancy avec Michel Jonas, Souchon, Cabrel, voilà, Morane, Lara, tout le beau monde. Et Véronique Sanson est la première pour la longue série des enveloppes ce soir. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Et nous t'écoutons. Eh bien, écoute alors, je suis très émue de commencer ce spectacle. Tu dis qu'elle est très émue de commencer ce spectacle. Tout le monde a entendu. Je traduis pour ceux qui ne... Oh, vous voulez savoir qui c'est? Un peu. Alors, le gagnant est Johnny Hallyday. En trois soirs, 200 000 spectateurs, on a retenu nos nuits. Bravo, Johnny. Personnes en trois soirs. Eh bien, merci beaucoup, je suis très touché. J'aimerais remercier les gens qui ont participé à réaliser ce spectacle avec moi, c'est-à-dire toute mon équipe technique. Et puis mon coproducteur, M. Jean-Claude Camus. Je crois néanmoins que la plus belle victoire qu'on puisse avoir, c'est grâce au public, c'est le public qui le fait. Merci à vous. Et alors moi, Johnny, je vais donner ce micro. Je vous proposerai quand même, histoire d'enlever les fourmis que vous avez dans les pieds, je pense que devant quelqu'un comme Johnny Hallyday, ça serait bien qu'on commence cette soirée par une très belle standing ovation, s'il vous plaît. On en a un. C'est l'idole, c'est Johnny, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Oui, qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. que j'aime ma terre, qu'on me donne des fils et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. Que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence comme fin des discours, et toucher la misère pour respecter l'argent, et pour que j'aime être sain, battre la maladie, en me tenant la nuit, pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses. Victoire de la musique 1994 rendait également hommage à Étienne Rodagil. John Hallyday et Julien Clerc entonnent le titre Mirador. C'est la nuit dans le quartier des fous. Les matons ont tiré les verrous. Sur des toits, des voleurs de cachou. Des flambards. Tatouer des loulous. La liberté, faut la payer. Quand on enterre le corps sous le mirador. La liberté, faut la rêver. Quand on promène nos corps sous le mirador. C'est la nuit. Mais c'est pas le Pérou. Y a des prisons à ciel ouvert partout. Y a pas d'école pour apprendre à aimer. Y a des écoles pour apprendre à tuer. La liberté, faut la payer. Et on enterre nos corps sous le mirador. La liberté,

y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour, puis tellement de bruit. Quelque chose de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vivre. Ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Oui, quelque chose de Tennessee. Étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Il faut un sentiment comme une envie. Oui, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee. Le 11 mars 2000, lors de la cérémonie des victoires de la musique diffusée sur France 2, Johnny Hallyday reçoit le prix du meilleur album de l'année avec 100% écrit par son fils David. Un autre tournant, Johnny sur le toit du monde. J'aimerais mettre un bémol, si tu permets Michel, à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de 99 années de la meuf. La parité homme-femme n'est pas du tout respectée ici. Les nominations sont exclusivement masculines. Année 00, année du vélo, mais année des machos aussi Michel. Très drôle ça. En vieux français dans le texte, année 2000 c'est quoi alors? Année des 1000 sont en compétition pour la victoire de l'album de variété pop-rock de l'année. Au ras des pâquerettes, Alain Souchon. Hors saison, Francis Cabrel. Jeudi M. M. 4. Thomas Fersen, 100% Johnny Hallyday. Le niveau est très haut, hein. La barre est haute. Hein. Alors en langage pugilistique, eh ben, ça veut dire que pour rester dans un univers de mecs, on appelle ça trois poids lourds et deux outsiders, c'est ça hein? Deux outsiders, M, le fils de Louis Chédid, qui a remporté une victoire avec son excentricité funky, et Thomas Fersen. Haute outsider, la poésie rurale. Surréaliste. Avant de découvrir le lauréat pour la victoire de l'album de l'année, Thomas Fersen, qui est en concert ce soir, a tenu à nous adresser à distance ce petit message. Gentil. Michel, à toi d'ouvrir l'enveloppe. La victoire de l'album de variété pop-rock de l'année est attribuée à... Qui ? Ah, Johnny Hallyday, 100%. Réalisateur David Hallyday, Pierre Jaconelli, ingénieur du son, Yann Arnaud. Johnny ne peut pas être avec nous ce soir. Peut-être c'est parce qu'on avait peur au Zénith en ces temps un peu délicats qu'il y mette le feu. Alors Johnny n'a pas pu être là ce soir, David, le fils de Norbert. Acteur important de cet album, bravo pour cette victoire. Alors, il y en a trois. Trois. Alors, Jojo, David et Pierre Jaconelli. Il y a l'ingénieur du son, on y associe la production. Tu es comblé, dis-moi. Oui, c'est clair que je ne m'attendais pas à ça, c'est clair. On revient sur cette grande aventure, sur cet album. Comment tout ça s'est passé, parce que c'est un album très littéraire. Il y a beaucoup de grands auteurs, il y a François Sagan, il y a Labrou, on l'a déjà dit. Je crois que c'est une des plus grosses ventes de la carrière de ton illustre papa. Je sais pas s'il paraît, oui. un mot sur le compositeur, peut-être, de musique. Sur le compositeur. Mais tout simplement, il m'a demandé un soir, est-ce que je voulais faire son album. J'ai eu très très peur. Et puis, je pense que j'étais un petit peu fou d'accepter, mais en voyant le résultat que ça fait, je suis très très heureux. Qu'est-ce que tu dis à ton papa ? À mon papa. Ce soir, qui te regarde. Je dis que je suis très fier de lui, voilà. Très fier de lui. Merci pour Johnny Hallyday. Et vice versa. Bravo David, merci. Ni les yeux, ni le regard à maquiller en bleu ce qui dans le fond est noir. Tu sais, mes yeux sont ton miroir. Regarde-moi un peu. Veux-tu encore y croire? notre histoire. Notre histoire, June Hallyday, extrait de l'album 100%. Et donc ce soir, on écoute justement June Hallyday et 30 ans de récompense, aussi bien en victoire de la musique qu'en prix, qu'en Légion d'honneur et tout ça. Mais on ne parlera pas de Légion d'honneur et compagnie. Non, on va parler que de récompenses musicales et cinématographiques, exactement. Pour leurs premières émissions de récompense, et je crois même que c'était la dernière, il n'y en a eu qu'une, il me semble, le 17 novembre 2000, M6 décerne 2 awards à June Hallyday, un award d'honneur et celui de l'artiste de l'année. Et moi, je rajouterai aussi un grand moment de solitude. Donc, revenons sur cet instant. Johnny Hallyday and the band. Salut, mon Dieu. Johnny Hallyday, mesdames et messieurs. Viens avec moi, Johnny. Johnny, on évoquait tout à l'heure ses 40 ans de carrière. C'est... Non, on revient, vous inquiétez pas. 2 millions d'albums... le dernier, une année d'exception, parce que moi je t'ai vu un samedi au Champ de Mars avec 600 000 personnes, je t'ai vu jeudi au Parc de Sceaux avec plus de 100 000 personnes, et t'attaquais l'Olympia, et pour 2 mois, le samedi. C'est ça l'année de Johnny Hallyday. Johnny, je te présente Angie Everhart. Ça, normal, une petite bise. Alors ce soir, nous recevons une star parmi les vedettes, c'est Monsieur Hallyday. Et à cette occasion, Johnny, et pour la première cérémonie des M6 Awards, nous voulions te rendre un hommage tout particulier et nous voulons te remettre un M6 Award d'honneur. Eh oui, ça mérite. L'hommage surtout qui m'est rendu ce soir, c'est que le public soit là. Ça fait 40 ans qu'il est là. J'appelle 2 des meilleurs amis de Johnny. Les remettants, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, 2 surprises. La surprise est là, regardez. Vincent Lindon, Jean Reno. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Bonsoir, bonsoir. Vas-y. Bon, comme je ne suis pas très doué, moi j'ai écrit un petit texte pour Johnny. Tout le monde m'a dit en coulisses, surtout souris, lis le prompteur. Mais j'ai plus confiance dans mon petit papier. Alors Johnny, tu aimes tellement ce que tu fais que le public le sent et ne s'y trompe pas. Tu as traversé toutes les époques, tu as fait des bêtises qui n'ont jamais été considérées comme des erreurs et qu'on a même adorées, tellement elles étaient sincères. Tu n'as jamais calculé ce qui était bien, pas bien, chic, pas chic, dans l'air du temps ou pas dans l'air du temps. Tu n'as jamais voulu être à la mode, c'est bien pour ça que tu es ce qui se fait de mieux depuis 40 ans. Voilà. Quel hommage! Hey, du rock'n'roll. Non, moi je trouve que ce qu'a dit Vincent, c'est vrai. Mais je voudrais juste rajouter quelque chose. Il a fait ça dans le passé, il va encore le faire. Je lui souhaite toujours d'aimer ce qu'il fait autant qu'il aime aujourd'hui, parce que le mérite, c'est le meilleur. Eh bien, je voudrais remercier d'abord mes amis. Que l'on t'aime. Je dois dire que mes amis sont fous. Mais surtout, ce qui est fou, c'est que je me retrouve ici aujourd'hui et que moi, qui ne suis pas très habitué au prix, qui n'en ai jamais eu quand j'étais petit, eh bien, Ça, je le dois à vous, public. Merci. Quel succès. M6 Award d'honneur. Ton public, Johnny. Je te remercie. Bienvenue. Premier M6 Award d'honneur pour la première série des Awards 2000 pour Johnny Hallyday. Évidemment, est en compétition également ce soir avec cet hommage de ses camarades auxquels il ne s'attendait absolument pas, je peux vous l'affirmer, de Jean Reno, Vincent Lindon et Patrick Bruel. J'aimerais qu'on les applaudisse pour ce travail. Merci beaucoup les garçons. Je crois qu'on vient de sauver la cérémonie. Donc on va pouvoir continuer pour regarder les nominés du plus grand artiste français. En la catégorie artiste français de l'année, son nominé, Patrick Bruel. On voit David Douillet et Adriana Carambeu. Johnny Hallyday. Pardon, je viens vous demander. Louise Attaque. Pascal Obispo. Florent Pagny. Sur les i du chagrin de la vie, et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie. Zebda. Pas de grimace, y a pas d'arrangement. Se regarder dans une glace, y a pas d'arrangement. Et le gagnant est. Johnny Hallyday. Ça fait beaucoup pour un soir, en ce qui me concerne en tout cas. Je voulais remercier M6 d'avoir organisé cette soirée. J'aimerais remercier également mon producteur qui m'a beaucoup aidé dans l'entreprise de mes spectacles un peu dingue. Il m'a toujours suivi, c'est Jean-Claude Camus. Et puis j'aimerais également remercier ma maison de disques Universal avec son PDG, M. Pascal Nègre, qui m'a suivi dans tout ce qu'on a fait cet été, dans les concerts. Merci et merci à vous, public, parce que ça, c'est grâce à vous. Du bruit pour Johnny Hallyday. Je vous entends pas, Lille, l'artiste français de l'année, Johnny Hallyday. Comme je disais, un grand moment de solitude dans cet extrait d'émission. Le 17 février 2001, lors de la 16e cérémonie des Victoires de la Musique diffusée sur France 2, toujours sur France 2, Johnny Hallyday est consacré pour le spectacle musical La Tournée ou le concert de l'année 2000. Une nouvelle reconnaissance pour l'idole des Français après une année marquée par des performances scéniques exceptionnelles. Patrick Bruel, juste avant, au Zénith de Paris, en tournée, production Gilles Derrick. Les nominés sont, les nommés, il faut dire, les nommés sont. Mylène Farmer à Bercy, en tournée, production Thierry Suc, TS3. Johnny Hallyday à la Tour Eiffel, à l'Olympia et en tournée, production Camus et Camus Productions. Les 10 commandements au Palais des Sports de Paris, production 7 Arts. Voilà donc 5 spectacles, 5 grands spectacles. Lequel de ces 5 spectacles que nous venons d'apercevoir va emporter la victoire cette année? Alors. Ah là là. Johnny Hallyday à la Tour Eiffel, à l'Olympia et en tournée. Production Camus et Camus Production. Victoire du spectacle de l'année pour Johnny Hallyday, effectivement. Grande année de spectacle pour Johnny, Tour Eiffel. tournée. Et l'Olympia également, sold out pendant, pendant deux mois. On a entendu des Patrick et des Johnny. Johnny qui pendant deux mois donc a occupé la scène de l'Olympia et à qui revient cette victoire. C'est une grande année pour lui. 2 millions d'albums vendus avec cet album composé par son fils, 100%. Johnny a le droit à des vacances maintenant après avoir bossé. Il se repose pendant quelques mois, nous a signalé son producteur. Nous allons enchaîner. De toute façon, je ne sais pas quand est-ce que c'est. Pas les... pas son année à Johnny, franchement. Enfin bon, ouais. Bah nous non plus, on ne sait pas. C'est toujours son année. On retrouve Johnny Hallyday à la Tour Eiffel en l'an 2000, le 10 juin 2000, et avec ce titre qu'avait écrit François Sagan pour lui, extrait de l'album 100% encore, voici quelques cris. Je vous m'avais, on m'a mis bas, du sanglant entre ses... Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Ce soir, dans cette émission Johnny de A à Z, on retrace 30 ans de récompenses et de prix pour Johnny Hallyday. Nous sommes à présent le 18 janvier 2003, lors des 4e Energy Music Awards diffusés sur TF1. Johnny Hallyday reçoit des mains de Mariah Carey le prestigieux prix de l'homme de l'année 2002, un award d'honneur donc pour l'ensemble de sa carrière. Bonjour. It's a great pleasure and a great honor. C'est vraiment un très grand plaisir et un très grand honneur pour moi de remettre cet award Energy à un homme qui est formidable devant un public extraordinaire. C'est évidemment le rocker français le plus connu, le plus célèbre et le plus grand chanteur français depuis des années et des années. Il vend des millions de disques et dans le monde entier, on le connaît comme la voix de la France. Monsieur Johnny Hallyday. Mesdames et messieurs, le seul et l'unique Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, s'il vous plaît. Johnny Hallyday. S'il vous plaît. Johnny Hallyday. Johnny, félicitations pour ce prix. Johnny Hallyday qui est l'homme de l'année 2002. Johnny, vous pourriez être l'homme de l'année chaque année finalement. Ça dépend du public. Hein. Alors, chaque année, vous avez déjà été l'homme du siècle dernier, vous êtes l'homme de ce siècle et peut-être l'homme du prochain. Ben, je vais essayer en tout cas de tenir le coup. Mais ce que je voudrais dire, d'abord je voudrais remercier Pierre Giaconelli, qui a été le directeur artistique de cet album avec moi. Pascal Nègre, qui est évidemment le PDG de Universal Music, qui m'a beaucoup aidé pour cet album. Et puis tous les musiciens, tous les artistes, auteurs-compositeurs, tous les chanteurs, mes amis, qui ont écrit les jolies chansons de cet album. Je les remercie. Marc Lavoine, entre autres. Gérald de Palmas et bien d'autres. Et puis, je ne serais pas là aujourd'hui si le public n'était pas avec moi. Merci au public, surtout. Johnny Hallyday, messieurs, dames. Mariah Carey, Johnny Hallyday. Johnny fera la tournée des stades cette année avec notamment le Parc des Princes à Paris le 10, 11, 14 et 15 juin 2003. Et on parle évidemment de l'album À la vie et à la mort, sorti en 2002. Et le titre, évidemment, incontournable. Voici Marie. Johnny à Bercy en 2006. Si tu savais tout le mal que l'on me fait, oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouis mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance, peu à peu tu disparais. Malgré mes efforts désespérés, et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveille. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout. poser au fond, en première ligne. Oh Marie, je t'en prie, fais-moi un signe. Oh, oh, oh, oh, oh. Mort m'a promis sa dernière danse. Oh Marie, si tu savais, tout le mal, oh Marie, oui j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. J'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Merci beaucoup, merci. Waouh, ça va être chaud ce soir. Le 21 janvier 2003, Johnny Hallyday est honoré par le prix Jean Gabin lors de l'émission e-cinéma diffusée sur e-télé. Et ce reportage revient sur son rôle dans L'homme du train de Patrice Lecomte. Un hommage touchant à l'icône du rock redevenu acteur. Plus récemment, d'un souhait exprimé à Patrice Lecomte en 1998, alors que Johnny Hallyday remettait un César d'honneur à Jean-Luc Godard, est né L'homme du train. Sublime face à face avec l'immense Jean Rochefort, entre un truand usé et un prof de lettres à la retraite, qui chacun rêve la vie de l'autre. Une performance entre mélancolie et envie d'avoir envie qui lui vaut enfin sa première récompense de cinéma, 48 ans après sa toute première apparition sur le grand écran dans Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot. Et pas des moindres, le prix Jean Gabin qui distingue depuis 23 ans un talent prometteur du cinéma français. Et ce sont deux autres tout jeunes comédiens qu'il admire et vice-versa qui lui ont remis son trophée. Gérard Depardieu et Jean Reno. Oh Johnny ! Oh ! Johnny ! À gauche, à gauche ! En tant que comédien, c'est mon premier prix, alors je suis très, comment dire, je suis très troublé et en même temps très heureux et très fier d'avoir ce prix, surtout Jean Gabin qui était un acteur que j'adorais. Donc, Inch'Allah, c'est mon premier prix en tant qu'acteur. Alors bon, j'en ai déjà eu en tant que chanteur, mais en tant qu'acteur, j'en ai jamais eu. Alors là je suis comblé, là, franchement. Johnny Hallyday aura finalement attendu l'aube de ses 60 printemps pour être reconnu à sa juste valeur en tant qu'acteur. Lui qui rêvait d'être comédien longtemps avant d'être chanteur. Dans le film de Patrice Lecomte, il faut le voir descendre du train avec sa démarche de loup fatigué, donner des cours de français improvisés à un adolescent bouché, plonger son regard bleu au fond des yeux d'une boulangère, donner des leçons de tir à un Jean Rochefort manifestement plus doué pour la conversation que pour la gâchette, ou encore fumer la pipe et enfiler ses charentaises avant le dîner. Alors, j'ai loupé ma vie. Ah, plus que vous ne pensez, car elles sont neuves. La pantoufle doit se porter à la limite de l'usure, comme une deuxième peau. Avec seulement 400 000 entrées en France, L'homme du train n'a pas eu le succès mérité, mais ces images resteront comme les dialogues qui font scintiller un peu plus encore ce choc des charismes et des cultures qu'est le tandem Johnny Hallyday, Jean Rochefort. Johnny, ce qu'il a de merveilleux, c'est qu'il est... il cherche jamais à faire de commentaires sur son propre jeu. C'est-à-dire qu'il joue les choses simplement dans la vérité au premier degré. Et c'est pas si fréquent, cette vérité-là. De ne pas chercher midi à 14h, de faire les choses, de jouer les choses, de dire les mots, de jouer la situation. C'est assez rare. Patrice Lecomte en commentaire. Le 21 janvier 2006, Johnny est invité sur la scène du Palais des Festivals de Cannes pour chanter en duo avec le ministère amer. Interview de Johnny dans les coulisses des Energy Music Awards à propos du titre Le Temps qui passe et de sa carrière du rock'n'roll, sa carrière rock'n'roll, ouais, et aussi en parlant du rap. Energy Music Awards 2006, interview. Bonsoir Johnny, merci d'être sur Energy. Bonsoir. Vous participez au Energy Music Awards pour présenter un nouveau single de l'album Ma Vérité, Le Temps Passe, avec le ministère amer. Avec le ministère amer, oui. Un duo particulier, je dirais peut-être un choc des cultures entre le rock et le... Je ne sais pas si c'est un quatuor ou c'est pas... Enfin, c'est un duo. Ça peut être un duo si c'est un chanteur et un groupe, ou un quatuor si c'est quatre personnes. Le ministère amer s'est reformé exceptionnellement pour vous. Oui, mais je crois qu'ils ont l'intention de refaire un album également ensemble après ce titre. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette rencontre de cette... Non, absolument pas, absolument pas. Ce titre m'a été proposé par Passy, et puis j'ai trouvé ça intéressant d'aborder ce sujet, ce titre, ce style de musique, étant donné que moi je n'avais jamais touché à ça encore. J'ai fait plein d'autres choses avant, j'ai fait du tweet, j'ai fait plein de choses, mais je n'avais jamais j'avais touché à ce style de musique. Puis moi j'ai trouvé ça amusant. En plus, il se trouve que Doc Gineco c'est un copain à moi depuis plusieurs années, et que Passy est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très très talentueux, et j'ai dit OK, je suis d'accord de le faire. Moi, ce qui m'a plu dans cette chanson, c'est que ça se rapproche plus des hip-hop américains, c'est-à-dire que dans les hip-hop américains, il y a toujours une mélodie chantée et les rappeurs qui rappent autour. Et je crois que ça a été rarement fait en France. Je crois que quand on fait de la musique, vous savez, il faut pas se dire ça, moi je fais que ça, ce qui n'est pas ce que je fais n'est pas bien. Ou... Non, je pense que tout ce qui concerne la bonne musique, c'est quelque chose que moi j'écoute tout, moi, même du rap. Hein. En tout cas, on dit qu'il y a beaucoup de points communs, justement, entre le rap et le rock. Une certaine, pas violence, mais une certaine énergie. C'est-à-dire qu'au début, au début du rock'n'roll, c'était quelque chose, c'était quelque chose d'assez violent. C'était quelque chose, une révolte, quelque part. Et le rap, c'est un peu la même chose. On va oublier le twist et le Madison et toutes ces conneries qui ont été faites, que j'ai d'ailleurs faites, mais bon, ça, on va passer outre. Mais c'est vrai que de toutes les musiques qui ont été faites au point de vue mouvement, au point de vue rage, le rap est ce qui ressemble plus au rock'n'roll de nos débuts à nous, quand on a fait du rock'n'roll. Donc c'est pour ça que vous sentez peut-être aussi bien le rap. Ça oui, nous rapproche du oui, rock. Non, oui, oui, non, et puis oui, et puis c'est intéressant de travailler avec des gens qui ont une culture différente, qui ont des idées nouvelles. Moi, je trouve que les paroles des rappeurs, je trouve que ce sont des paroles fortes, ce sont des paroles intelligentes, ce sont des paroles qui veulent dire quelque chose, ce sont des paroles qui expriment et qui réclament quelque chose. Bonne route et merci, Johnny. Merci beaucoup. On retrouve Johnny au Energy Music Awards en 2006 avec le ministère amer. Coulé comme le Trois-Rivières, au fond des blocs, enfant des îles, fils d'une classe ouvrière, l'idole des jeunes doc restera le même, de Porte de la Chapelle aux Ondertières. À l'heure où le monde se bouscule, je repasse ma vie à l'envers. Ouais, Toto, j'en ai fait des rêves, des calculs. Oh oui, j'ai jamais voulu vraiment me laisser faire. Jamais, jamais, jamais, jamais. Et le temps passe, non, je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. Rien ne s'efface, mon destin me ressemble bien. Nos points ont guidé nos refrains. Et le temps passe, pour changer, je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. La moindre trace, je l'ai bâti de mes mains. Nos points ont guidé nos destins. Basket blanche pour RR, l'encre a coulé dans ma carrière à temps plein. Viser le haut quand tombe mon temple est légendaire. Mon air amer, mes rêves sont restés les mêmes. J'ai emporté le flambeau, représenté l'honneur des miens. Mes baskets blanches, ma grande gueule, de l'encre sur les mains. Mon stylo était meurtrier, coupable, l'ennemi numéro 1. Entre mer, des pertes blanches, j'ai le goût pour la revanche. Boxeur, breaker, rappeur, acteur, attitude franche. Oh. J'ai chanté les hommes leur désir. Tout le monde, tout le monde. Les destins fragiles et l'amour. Je suis né dans la rue. On a voulu que je tombe sur place. Bah. Moi j'ai souvent fait place et je combats toujours. Le combat continue et le temps passe. Non, je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. Rien ne s'efface, mon destin me ressemble bien. Nos points ont guidé nos refrains. Et le temps passe, pourtant je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. La moindre trace, je l'ai bâti de mes mains. Nos points ont guidé nos destins. Dealer de hip-hop rock. des purs dans le froid. Fusion guitare et peura pour civil et colbop. Ministère Johnny, aussi burné qu'un neuf sous Sarkozy. Sarkozy dans ma musique, quel savoir comme usine. Basket blanche et bouson noir, génération manque d'espoir. Tes conneries que ce gardien me foute la paix. Lascar abandonné, j'ai le rêve décidé dors-toi. Rap, tout est rare, mon RTT. C'est ça, c'est la vérité. Stop, Johnny. L'être humain porte en lui le meilleur. Le meilleur. Je sens encore le poids de mes erreurs. De mes erreurs. Le pire assis souvent était là. Oh oui. La bonne guidée me pas, mais je la garde au fond de moi. Jusqu'au dernier souffle. Et le temps passe, non je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. Rien ne s'efface, mon dessin me ressemble bien. Ne point pour guider nos enfants. Et le temps passe, je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette rien. La moindre trace, je l'ai bâti de mes mains. Ne point pour guider nos destins. Et le temps passe, Johnny Hallyday. Nos points ont guidé nos refrains. Et le temps passe, pourtant je ne regrette rien. Rien de rien, je ne regrette de rien. La moindre tasse, je l'ai bâti de mes mains. Nos points ont guidé nos destins. En question, mon rap est profond. Sexe comme une lampe sur un téton. Dur comme les blocs de béton. Yeah, dealer de hip-hop rock. Dealer de hip-hop rock. Johnny Ali. Dealer de hip-hop rock. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Jo, ministère, A-M-E-R, à tout l'heure, Johnny, 50 ans de carrière et une victoire d'honneur en 2009. Un hommage immense à un artiste qui a traversé les générations. Bonsoir, les amis. Bonsoir. Eh bien... C'est maintenant, hein. C'est maintenant qu'il faut remettre cette victoire d'honneur. Ça me touche particulièrement de remettre ce trophée ce soir. Johnny reste la référence de la chanson française, un modèle pour beaucoup et une carrière dont nous rêvons tous. Donc imaginez à quel point je suis fier de pouvoir lui remettre cette victoire. D'autant, et ça sent que tu es ému d'ailleurs de la remettre cette victoire, d'autant que tu as signé une chanson sur ce dernier album, d'autant que tu vas soutenir, comme on dit, c'est-à-dire être en première partie de Johnny pour la tournée d'adieu devant son public. Et l'histoire d'amour entre le public et Johnny. C'est vrai que j'ai la chance de partager un moment de vie à ses côtés. Je vais partir sur la route à la rencontre de son public. Donc c'est, j'ai l'impression d'être un petit peu privilégié. Voilà. On va tous l'être privilégié ce soir. Je vous demande d'accueillir Johnny. Non. Je vous demande une véritable ovation pour Johnny. Il y en a qu'un, un vrai, l'unique, il est là, Johnny Hallyday. Ah Johnny, si tu savais tout le bien que tu nous fais. Hey Joe, on t'a gravé dans nos vies. Et si t'arrêtes noir, c'est noir, il n'y aura plus d'espoir. Johnny, écoute ton public qui chante « Que je t'aime ». Ton histoire d'amour avec tes fans, ça ne s'arrêtera jamais. Écoute, voilà Johnny, c'est une manière... Vous allez bien ? Johnny, cette victoire, c'est une manière à nous tous de te dire à quel point on t'aime et un grand, grand merci. Victoire d'honneur pour Johnny Hallyday. Et une tournée d'adieu alors que nous, on n'a pas envie que ça s'arrête. Hein. On n'a pas envie que ça s'arrête. On est là pour te dire que l'on t'aime, mais qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Nous, enfin bon, tu fais comme tu veux. Hein. Oh, elle va être longue la tournée. Ah, ouais, une bonne nouvelle. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette victoire. Ça fait toujours plaisir d'avoir une victoire. Et j'aimerais dédier cette victoire à ma famille. À mon fils David qui est à la batterie avec moi ce soir. À Laura, ma fille qui tourne un film en ce moment, que j'embrasse très fort. À Jade, qui me regarde de loin ce soir, en ce moment. À ma toute dernière, à ma petite Joy, et à ma femme Laetitia que j'aime profondément. penses à ceux que tu aimes. Et puis surtout, cette victoire, j'aimerais la partager avec tous ces gens qui me suivent depuis mes débuts, c'est-à-dire mon public. J'offre cette victoire à mon public. Merci. Victoire d'honneur pour ses 24e victoire de la musique en direct du Zénith. Nous sommes dans une salle qu'il connaît bien avec Christophe Maé, mais surtout le réalisateur de son dernier album que je vous demande d'applaudir, Philippe Huminski, qui est à la basse. Se trouve également Axel Bauer, l'un des meilleurs guitaristes que nous ayons la chance d'avoir. Et comme l'a dit Johnny, à la batterie, David Hallyday. Ça peut changer le monde et Johnny vous l'a dit, une tournée peut être longue et également surtout une tournée d'adieu. Il en a beaucoup d'adieux à faire. Il prolonge sa tournée à partir du mois de septembre, également jusqu'à la fin de l'année. On peut encore applaudir. Et en 2010, Johnny remporte la victoire de la musique pour son Tour 66. Une tournée d'adieu qui n'en était pas vraiment une. Suspense. Et le gagnant, Guillaume, qui va gagner. Le gagnant pour le Tour 66 est Johnny Hallyday. Lors du Tour 66, Johnny a visité toutes les époques de son prodigieux répertoire des années 60 aux années 2000, avant de conclure en apothéose avec une émouvante version de « Et maintenant » de Gilbert Bécaud. Alors il y a ici deux victoires qui seront remises et au tourneur et à l'artiste bien sûr. Voilà Jean-Claude Camus Productions. Alors Johnny ne savait pas s'il allait gagner, mais il a enregistré un petit message là où il est. On pense évidemment à lui. Ah, Los Angeles, il a gagné. Ce message est pour vous, écoutez-le. Bonsoir. Comme vous le savez, je ne peux pas être avec vous ce soir. Mais je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour moi et surtout mon public qui a toujours été là. Avec vous, j'ai partagé des moments de bonheur, mais aussi des moments plus difficiles, comme ceux que je viens de passer. Vous savez, je vous remercie pour votre soutien. Et je vous remercie d'avoir toujours été là pour moi. Je vous aime. À très bientôt. Voilà Johnny, on espère qu'on va le retrouver évidemment sur scène pour ce Tour 66. On retrouve justement Johnny Hallyday lors de ce Tour 66, avant ses problèmes d'hernie discale, et ce titre, cette reprise de Gilbert Bécaud, et maintenant, c'était en 2009. Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que vous êtes parti, c'est lui. Pourquoi? Pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui? Pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est tout petit. Pour mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien, ni même Paris. Très peu d'ennuis, et toutes ces rues. Maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler, oui, des nuits entières. Et au matin, moi, je te haïrai. Ce soir dans l'émission Johnny de AZ, retrace les 30 ans de récompense de prix pour Johnny Hallyday de 1987 jusqu'à 2016. Et là, nous sommes en 2012. Johnny est de retour à Cannes, cette fois-ci en tant que remettant. Il offrira un award d'honneur de ses propres mains à Shakira pour récompenser l'ensemble de sa carrière et son succès croissant en France. Il y interprétera un medley. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, oui, moi j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines de les espoirs, pour chanter Dieu et être l'amour. La musique de vivre, tente de vivre le plus. Thank you. si fort, j'ai tout ce que tu veux. Un héros, un cadeau, un prince, un prétentieux. Un tatoué, un balèze, une idole, un peureux. Un timide, mal à l'aise, et qu'on est plus que deux. On m'a fait tant d'autoportraits qui me ressemblaient très pour très. J'avoue que je ne sais plus vraiment qui je suis ni à quel moment. Mais ce qui est vrai, je le jure, c'est que je ne serai plus personne si un jour toi tu m'abandonnes. Ah! Qui me ressemble et très contraire. J'avoue que je ne sais plus vraiment qui je suis ni à quel moment. Et ce qui est vrai, je le jure, c'est que je ne serai plus vraiment. Si un jour toi tu m'abandonnes, si un jour toi tu m'abandonnes, si un jour toi tu m'abandonnes. En 2013, Johnny revient encore au Palais des Festivals pour recevoir un deuxième trophée, 10 ans après avoir reçu son premier Award d'honneur. Et il est de nouveau consacré pour l'ensemble de sa carrière. Il interprète Ma Gueule avec la chanteuse Shaim. En 2014, Johnny remporte la victoire de la chanson originale de l'année avec 20 ans, un texte mieux sec sur le temps qui passe, mais l'envie qui reste. Et pour prolonger cette émotion, voici la chanson en question, c'était à Vienne le 18 juin 2013. Est-ce que vous savez chanter aussi? Bon, on va voir ça. Vous savez, c'est à cause de vous que j'ai toujours 20 ans. Thank you. n'est pas là pour payer les dettes. On a tous connu nos martyrs. On se contente de chaque miette, de chaque seconde, de chaque soupir. Il n'y a pas grand-chose que l'on regrette ou l'on ne veut plus se souvenir. On a bravé huit temps de tempêtes qu'on ne s'est même pas vu grandir. Dis-moi que la vie est encore plus belle. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel? Tu as toujours 20 ans. Ouais. On joue toujours avec les allumettes, avec les flammes, avec le désir. On n'a qu'une envie et qu'une requête, de rire comme si on n'allait jamais mourir. Tu sais, on a passé l'âge d'être bête, pas celui de se faire éblouir. Chaque journée est une conquête qu'il faut abattre d'un sourire. Dis-moi que la vie est encore plus belle. Est-ce qu'on peut encore toucher le ciel? Tu as toujours 20 ans. Hey! Toujours 20 ans. Toujours 20 On est venu à bout de la bête et des nuits qui devaient rétrécir. On ne battra jamais en retraite, on a encore tant de choses à offrir. La cérémonie des reprises des Grands Prix SACEM a eu lieu le lundi 24 novembre 2015 à l'Olympia. Absent de cette cérémonie, Johnny a reçu un prix spécial de la SACEM pour l'ensemble de sa carrière et l'empreinte qu'il a laissée dans la chanson française. C'est l'heure maintenant d'honorer un monument de la chanson française, un immense artiste, Johnny Hallyday, un immense artiste pour au moins 3 générations. Johnny n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais on vous a réservé une surprise. Eh oui, Jeanne Chéral, Yodelis, c'est la première fois qu'ils interprètent cette chanson « Te manquer » qu'ils ont écrite pour le dernier album de Johnny, le 49e album studio. Je redirai les mots qui te faisaient sourire. Je te regarderai comme pour la première fois. Johnny ne pouvait pas être là ce soir, il s'en excuse. Et il avait un message très très simple, il voulait simplement remercier du fond du cœur et chaleureusement tous les auteurs et compositeurs, les centaines d'auteurs et compositeurs qui ont travaillé avec lui depuis toutes ces années. Et il est très honoré de recevoir ce prix. Merci. personne à Johnny lors de l'émission Alcanine le 20 novembre 2014. Je partirai un soir quand il m'aimera encore. Je partirai d'ici pour raviver le feu, pour tracer de mémoire les contours de ton corps. Je partirai aussi pour le plaisir du jeu et te manquer, je voudrais te manquer. Je garderai pour toi le plus doux des silences. Je resterai des jours intraçables et muets. Je ferai de ma voix l'écho de ton absence et de tout cet amour un sentiment parfait de te manquer, de te manquer. Je voudrais te manquer. J'aventurerai loin de toi un exil volontaire. Reprisant ma solitude avec des choses de rien. Février 2016, son album De l'amour est couronné meilleur album de l'année. Un disque plus intime, plus brut, plus vrai. Une sorte de dernière déclaration artistique, sobre, élégante, puissante. La dernière victoire pour Johnny. Johnny était ce jour-là à Boulazac, à côté de Périgueux, donnait un concert. J'y étais justement, et voici ce que j'ai ramené de ce concert. Bon, vous savez que ce soir, on est nominé au Victoire de la musique. Pour la chanson de l'amour. Alors, je ne sais pas si on aura quelque chose. Ouais, j'ai envie de vous la chanter. Et pendant ce temps-là, Paris attendait Johnny Hallyday. Je t'avais promis, il est là, il est tout prêt. Il est tout prêt, mais malheureusement pas suffisamment prêt pour pouvoir monter sur scène à l'heure. Il a tout fait pour, il a fait tout ce qu'il a pu, on n'en doute pas, mais malheureusement pas encore. Alors nous avons filmé les répétitions, comme toutes les autres d'ailleurs, c'était avant-hier sur la scène du Zénith. Et c'est donc cet enregistrement de secours que je vous propose de regarder maintenant. De l'amour, Johnny Hallyday. Et le sang. il aurait forcément aimé être en live comme tous les autres artistes, mais comme je vous le disais, c'était compliqué d'être à Périgueux, de faire un superbe concert, de multiplier les rappels et puis de venir ici sur la scène des Victoires en direct du Zénith. Mais ah, voilà, ça y est, on me dit, il est arrivé dans sa loge, Johnny est là, il va arriver dans quelques minutes sur scène, juste à quelques minutes près. On l'attend très vite, Bruno. Nous allons maintenant remettre la victoire pour l'album de chansons et dans cette catégorie, les nommés sont... Des ombres et des lumières, Frérot de la Vega. De l'amour, Johnny Hallyday. De l'amour. Holder, Yael Naïm. Et la victoire de l'album de chansons est attribuée à... De l'amour, Johnny Hallyday. Et bien voilà, les comptes sont ronds avec son 50e album. Johnny Hallyday exporte sa 10e victoire de la musique, emporte sa 10e victoire de la musique, produit et principalement composé par Yodelis. L'album De l'amour est singulier dans la carrière de Johnny, car il contient plusieurs chansons très déçues d'actualité. Bravo, Johnny, formidable, mais quel bonheur. Oh, mais je peux vous embrasser? Oh là là, oh, je vais faire beaucoup de jalouse. Yodelis, Maxime Nechi, bonsoir, ravi. Cette victoire, elle est à vous, Johnny. Mais je ne m'y attendais pas du tout. Alors. Merci déjà d'être revenu de Périgueux. Je vous remercie vraiment infiniment à tous. Je suis très heureux et très fier, car je me suis vraiment investi dans cet album qui est sûrement le plus intime de ma carrière. Alors ça me touche vraiment beaucoup. Vraiment, merci. Merci à Maxime Nuxi, qui a composé toutes les chansons, à part une, parce que c'est moi qui l'ai faite, mais bon. Et il a réalisé mon album. J'aimerais également remercier tous les auteurs qui m'ont écrit ces textes magnifiques. À Rosalène et Thierry Chassagne, à Warner Music, à Bertrand Lamblot, à mon manager Seb Farran, à Yarol Poupeau, mon guitariste, et à ma femme Laetitia qui a dirigé toute l'image autour de cet album. Et quant à vous, je vous souhaite que de l'amour. Merci. Johnny, magnifique vraiment, 50e album, magnifique. Juste Johnny, un petit mot, quel est le meilleur public, celui de Périgueux ou celui des Victoires? Pardon? Quel est le meilleur public, celui de Périgueux ou celui des Victoires? C'est une question piège, ça. Ce de Périgueux était formidable, mais ce soir, c'est formidable aussi, merci. Vous pouvez le prouver, hein? Maxime Nucci, un petit mot? Oui, je vais essayer de faire très très court, mais évidemment, un album, ça se fait pas tout seul. J'aimerais... remercier Bertrand Lamblot qui est à l'initiative de ce projet. J'aimerais remercier Rose-Hélène et Thierry Chassagne pour leur confiance. Les musiciens qui ont joué sur ce disque, Laurent Verneret, Charlie Drayton, Greg Lise, Greg Zlap. J'aimerais aussi remercier les auteurs comme Johnny, Jeanne Chéral, Aurélie Saada, Christophe Miossec, Vincent Delerme, Pierre Dauburgo, Pierre Jouisaume. Mais par-dessus tout, j'aimerais remercier Johnny, j'aimerais te remercier d'avoir cru en moi, j'aimerais te dire à quel point je t'aime. Là, je sais que t'es mal à l'aise et que t'as deux doigts de me foutre une beigne, mais voilà, ta générosité, ta sincérité, ton élégance de cœur et d'esprit, cet album, il a été façonné par une voix et une personnalité hors normes. Johnny Hallyday est un immense artiste et tout son public et les musiciens qui ont pu collaborer avec lui comprendront ce que je veux dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci Johnny. Je remercie vraiment Maxime pour son talent et de m'avoir permis de faire cet album avec toi. Merci. Johnny, merci. Maxime Nucci, victoire ce soir pour vous, Johnny, mais vous êtes encore nommé dans une catégorie. Cette victoire est pour nous deux. Hein. Qui va la garder alors du coup? Vous allez couper en deux. Merci, merci Johnny. Vous êtes aussi en compétition pour la victoire de la chanson originale avec De l'amour. À tout à l'heure, peut-être. Johnny, c'est ça. Une carrière jalonnée de récompenses, une vie décorée d'honneurs officiels et une œuvre qui, elle, n'a pas besoin de trophées pour continuer de briller. Ainsi s'achève cette émission Johnny 2 à Z avec les 30 ans de récompenses de prix décernés à Johnny Hallyday entre 1987 et 2016. Et je vous remercie de vous tous d'avoir écouté cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission spéciale Rock'n'Roll Attitude, le 40e anniversaire. J'aurai entre autres des invités comme Thibaut Geffrotin, comme Jean-François Chenu et on va retracer toute cette période de Rock'n'Roll Attitude, 1985 à 1986. Bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, ciao!